L'avenir n'est plus le temps. Quand avais-je eu le temps? Gaspiller le temps. Ce qui manque, c'est le moment où tout bascule et repousse les limites envisagées. Brouillard de l'identité. Imparfait, futur simplement dire, mélanger la vérité et le pire reflet de soi en enfer, un enfer, planète neutre, d'où vient la trajectoire. Le désir de cuissage enfume les consciences, proposition en descente, Les goupilles lancées, armoire battue, détrônées, piller la mer noire de vestiges qui invite le chaos. Danteler la douleur. En rythme frénétique. Conspirant, colonisé dans la douleur du fouet. Revenons à le cochon. Aimez sans doute tous ceux qui couchent avec un peu d'effort, remonter puis sombrer encore. Avec un peu d'effort, remonter puis sombrer encore. Et refaire à l'infini, aimer, que l'amour perdu, que les journaux de lèvres excluent. Ce qui reste du jour où l'amour existait. signe si haut, aucune étoile, ne me demande pas si j'ai mal. Perdu dans les rayons perdus, tout au tronc, j'utilisais mes forces à combattre. J'utilisais mes forces pour me battre, j'utilisais mes forces à combattre. Mais tout était vain, mais tout ne servait à rien. J'aurais dû y penser, j'aurais dû voir, même dans l'obscurité. Même fatigué, plus rien n'a gagné. Juste conserver les traces du passé. Sinon, la mémoire à zéro, plus rien n'a insisté. Les traces du passé, oublier les fragments dans les rêves. Plat comme la mer, vide comme le désert, froid comme l'univers. Seul, une particule pourrait bouger.